De retour à Futur Simple, et vous êtes toujours branché sur CKRL 89.1. Et après avoir exploré les intestins, les interstices de notre intestin, on va aller voir ce qui se passe du côté de notre cœur. Et pour ça, je suis en compagnie de Jean-Pierre Després. Il est professeur en kinésiologie à l'Université Laval. Il est aussi directeur scientifique de VITAM, un centre de recherche en santé durable. Bonjour Jean-Pierre Després. Bonsoir Valérie. Alors, vous êtes aussi, Jean-Pierre, vous êtes aussi auteur d'un livre intitulé « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». C'est paru tout récemment aux éditions Le Journal. Il y a beaucoup de choses dans ce titre et j'aimerais qu'on commence par le décortiquer un petit peu. De la gestion de la maladie à la promotion de la santé, ça suggère qu'il y a comme un passage de l'un à l'autre, là, de la gestion de la maladie, qu'on a mal, ça marche pas de gérer la maladie. On a besoin de réfléchir comme société, là, si on a fait pas mal le tour en termes de gestion de la maladie. Je vais peut-être avant... juste expliquer l'histoire derrière le livre. Moi, Valérie, vous savez, je suis un vieux professeur d'université. Ça fait 37 ans que je fais de la recherche. Puis j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire en tant que scientifique. Alors, on va chercher des subventions de recherche, on fait des études, on les publie dans les bons journaux de médecine puis de sciences. Puis on se dit, ben ce savoir-là, il va être utilisé et la société va aller mieux. Mm-hmm. Moi, j'ai étudié toute ma vie des enjeux de santé comme l'obésité, des problèmes de santé associés à notre mode de vie, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, puis comment les prévenir par le mode de vie. Puis je pense que sans fausse prétention, au fil de ces 37 années-là, j'ai eu des étudiants absolument exceptionnels qui sont maintenant des chercheurs remarquables, des directeurs aussi de centres, des professeurs. Mais vous savez, Valérie, cette science-là, elle dort sur les tablettes. Et c'est pour ça, donc, que je me suis dit, bon... Elle ne s'est pas rendue dans les milieux de pratique, non, dans la population. On va en parler, on va donner des exemples concrets, mais je me suis dit, bon... Alors là, si ça se rend pas à la population, ben je vais mettre un petit peu de temps de côté, puis je vais écrire un livre où je vais expliquer aux gens ce que j'ai fait durant ces 37 années-là. Et j'espère que le livre va inciter, et je tiens à remercier d'ailleurs les gens qui se le sont procurés, parce que les commentaires, ça fait chaud au cœur. Les gens disent merci, mm-hmm. parce qu'on savait pas. Et maintenant mm-hmm. qu'on sait, ben j'ai intitulé le livre « La révolution active ». Alors si... notre système de santé qui est un... Et je le dis avec beaucoup de respect là, pour tout le personnel qui travaille, mais c'est un système qui est tourné vers la gestion de la maladie. Lorsque vous allez voir votre médecin, il va se préoccuper de votre cholestérol, votre tension artérielle, mm-hmm. si vous faites du diabète. Il va peut-être vous dire, aller jusqu'à vous dire, madame, vous devriez peut-être porter attention à votre alimentation puis bouger un peu plus, mais il n'est pas outillé pour faire des mesures comme mesurer votre taux de cholestérol. Ben, dans le livre, j'en parle, il y a des choses très, très pratique qu'on pourrait faire en clinique pour mesurer puis cibler vos indicateurs du mode de vie. Comme par exemple, alors comme j'étudie l'obésité depuis maintenant presque 40 ans, j'ai réalisé que l'obésité, au fil de nos études, c'est pas ce qu'on pensait. Mm-hmm. C'est pas nécessairement d'être gros. Alors on a fait des études d'imagerie, imaginez vers la fin des années 80, on a publié ça vers la fin des années 80, on a montré qu'en scannant les abdomens, on découvrait qu'à l'intérieur de la cavité abdominale, il y avait une graisse, mm-hmm. Qu'on a appelée du tissu adipeux viscéral qui enveloppe vos intestins, qui est vraiment sous l'enveloppe musculaire. Là. C'est pas la graisse que vous pouvez pincer avec vos doigts. Ouais, là. Vous n'y avez pas accès. Et nos études ont montré qu'indépendamment de votre poids, que même à l'intérieur d'un poids soi-disant santé, si vous aviez cette graisse interne, condition qu'on a appelée l'obésité viscérale, bien, vous étiez plus à risque de faire de l'hypertension, des problèmes de lipides, de faire du diabète et plus à risque pour les maladies cardiovasculaires. Imaginez, ça c'était au début des années 90 qu'on rapportait au niveau international qu'il fallait porter attention à cette forme de surpoids d'obésité-là. Eh bien, imaginez, on est en 2023 maintenant. Ouais. Et lorsque vous allez voir votre médecin, il n'est pas outillé pour identifier si vous avez un surpoids ou une obésité qui vous rend véritablement à risque. Alors, on parle encore, imaginez, en 2023, du poids santé. Et on parle de la perte de poids. Alors que nous, toute la série d'études qu'on a réalisées durant ces décennies-là, on a réalisé, non, ça n'a rien à voir avec le poids, ça a à faire avec la localisation de cette graisse corporelle. C'est vraiment cette graisse corporelle qui est en dedans, là, qui est donc pas en surface, pas à fleur de peau, là, mais qui est en dedans. Dans la cavité abdominale. C'est ça. Et celle-là, on la mesure pas. Comment on fait, pour à part de faire un scan et regarder en trans, comment on fait pour... Pour ça, savoir alors, si imaginez, on c'est si on pas d'hier, Valérie, là, en 1994, c'est pas hier, là. Dans une revue de cardiologie américaine, on a montré que simplement faire la mesure de son tour de taille, indépendamment de votre poids, de votre, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, votre poids en kilo divisé par votre taille en mètres au carré, là. Mais même si vous êtes dans une fourchette de soi-disant poids santé, plus le tour de taille est élevé, plus vous êtes à risque de développer les complications qu'on avait traditionnellement associées au surpoids et l'obésité. Je peux vous dire, en 1994, lorsqu'on a publié ça, l'équipe de Québec, ben, ça a été reçu avec un peu de scepticisme. Mais maintenant, il y a de grandes études internationales dont une qui a été réalisée à la clinique Mayo aux États-Unis avec 650 000 personnes qui ont été suivies pendant presque 10 ans, qui montre que, indépendamment de votre poids, plus votre tour de taille est élevé, plus votre risque de mortalité est élevé. Mm-hmm. Et imaginez, je suis allé souvent faire des conférences dans les pays asiatiques, comme la Corée du Sud, et les Sud-Coréens ont tout compris. Alors, ils ont la mesure du tour de taille sur toute la population coréenne adulte. Et ils ont montré exactement ça. Le risque de mortalité n'a rien à voir avec le poids, mais avec le tour de taille. Donc, ce qu'il faut, le matin, c'est pas se peser, c'est pas monter sur la balance, mais c'est prendre, on prend un ruban et puis on regarde notre tour de taille. Alors, premier fossé, Valérie, entre la science et ce qu'on fait, comment se fait-il qu'au Québec, le concept vient d'ici, qu'on n'a pas une grande campagne d'éducation sur « connaissez-vous votre chiffre? Connaissez-vous votre tour de taille? Votre tour de taille avec les années ne doit pas augmenter. Si vous faites du cholestérol, si vous faites de l'hypertension, si vous faites du diabète, votre tour de taille devrait être ciblé. Pas la perte de poids. Diminuer le tour de taille. Et pourquoi pas la perte de poids? C'est qu'on a fait des études où on a recalibré le mode de vie de gens qui avaient des tours de taille élevés, qui, comme ça, étaient prédiabétiques, avaient de l'hypertension et tout. Et souvent, chez ces personnes-là qui étaient sédentaires, lorsqu'on les a mis à l'activité physique, à bouger, ils ont pris un peu de masse musculaire et les tours de taille ont diminué. Mais ça ne paraît pas sur le pèse-personne. Ils ont pris un peu de masse musculaire, donc le poids est resté le même. Alors, on répète depuis des lunes. Ah oui. Que le perte de poids n'est pas la bonne cible. On doit plutôt cibler, moi, par exemple. Évidemment, je fais de la recherche dans ce domaine-là. Ça fait 30 ans que je ne me pèse plus, mais je suis l'évolution de mon tour de taille. J'ai le même tour de taille qu'il y a à 65 ans. J'ai le même tour de taille qu'à 35 ans. Et si je suis sédentaire quelque peu, ben, même en absence de changement de poids, mon tour de taille peut augmenter. Et ça, on l'a vu. On a fait une étude avec des femmes qu'on a suivi pendant 7 ans. Les femmes, sur une période de 7 ans, leur poids n'avait pas changé. D'accord? Ils avaient la même quantité de graisse corporelle totale. Leur tour de taille avait augmenté de 4 cm et ça prédisait une augmentation, imaginez Valérie, de 30 % de leur graisse viscérale. Et cette augmentation-là était associée à une détérioration de leur glycémie et tout. Donc, imaginez, si vous êtes le médecin traitant, vous suivez ces femmes-là, vous dites, ça va bien, madame, votre poids n'a pas changé depuis 7 ans. Si vous mesurez le tour de taille, non, votre tour de taille a augmenté de 4 cm. On va faire un petit quelque chose. On va travailler à recalibrer les habitudes alimentaires, les habitudes d'activité physique. Et donc, vous voyez déjà, et ça marche. On peut en recalibrant comme ça les habitudes alimentaires, l'activité physique, on peut jouer sur le tour de taille. Ça, c'est l'autre aspect, Valérie. C'est pour ça que j'ai appelé le bouquin de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Évidemment, on sait très bien maintenant que dire aux gens, là, on se parle à la radio, les gens qui nous écoutent, là, j'ai beau vous dire, mangez mieux, bougez plus, ça fonctionne pas. La science nous dit que ça fonctionne pas. Ce que j'en ai besoin, c'est de vous donner des outils. Des outils. On a un guide alimentaire canadien. Ce sont des vœux pieux. Ce qu'on a besoin de savoir, Valérie, si vous venez dans notre laboratoire, je vais vous donner une note de bulletin. Je vais vous poser 25 questions, puis je vais noter votre qualité nutritionnelle. Je vais vous dire, Valérie, vous avez la note de passage, votre bulletin moyen, vous ne passez pas à l'examen. Ça, c'est la première chose. Et là, vous allez dire, pourquoi, Jean-Pierre, je ne passe pas l'examen? Trop souvent dans votre semaine, vous consommez tel ou tel produit trop souvent. Alors que si vous faites simplement de petits changements dans ce que vous consommez fréquemment, on peut améliorer ce score de qualité nutritionnelle-là. Et ça, ça marche. Mm-hmm. On l'a testé chez plusieurs milliers de personnes, puis on a montré que le suivi comme ça de leur qualité nutritionnelle faisait que leur score s'améliorait. Et le score, c'est pas du bruit, parce qu'il prédisait des améliorations dans le changement du profil de santé des gens. Première chose. Alors, voyez, ça, c'est un premier outil. L'autre chose, c'est Ma chère Valérie, est-ce que vous êtes active? Oui, Jean-Pierre, je suis très actif. Oui, mais on va le mesurer, si vous me permettez. Alors, je vais vous mettre sur un tapis roulant, puis on va mesurer ce qu'on appelle la condition cardio-respiratoire. Mm-hmm. Je vais faire une petite marche rapide. Vous êtes essoufflé indûment, alors que ça devrait être très confortable. Je vais dire, Valérie, on va améliorer votre condition cardio-respiratoire. Comment le faire? Vous allez aller marcher avec votre chum, avec votre chien, avec vos enfants, peu importe. Mm-hmm. Vous allez bouger un peu. On va pas faire de vous un Alex Harvey, mais on va améliorer votre condition cardio-respiratoire. Même chose. Alors, quand on donne cette information-là aux gens et on leur dit à la prochaine visite médicale, on va vous évaluer, ça change la donne complètement. Alors, imaginez, dans le livre, je parle de 4 signes vitaux, comme ça. Juste un petit peu, on va vous évaluer sur le plan du tour de taille. Oui, c'est ça, tout à fait. On veut voir le résultat de cette ajustement alimentaire et... Alors, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire, je ne vais pas vérifier si vous avez perdu du poids, mais je vais mesurer votre tour de taille, je vais mesurer votre condition cardio-respiratoire parce que je vais vous mettre sur un tapis roulant, mais vous ne ferez pas un effort épuisant, là. Une petite marche rapide. Je vais mesurer, par questionnaire standardisé, votre niveau d'activité physique et je vais mesurer la qualité de votre alimentation. Alors, nos travaux ont montré, j'explique tout ça dans le livre, que ces 4 indicateurs du mode de vie, j'appelais ça en anglais des lifestyle vital signs, des signes vitaux du mode de vie, prédisent presque parfaitement votre profil de santé qui est mesuré par le médecin de famille. Le problème, c'est que dans notre système où on gère la maladie, lorsque vous allez voir, puis c'est pas un blâme que je fais ce soir, je les blâme pas, on a plein de jeunes médecins de famille qui sont pleinement sensibilisés à l'importance du mode de vie, encore faut-il les outiller, et encore faut-il que notre ministère rembourse les frais associés à ces mesures-là. Mm-hmm. On rembourse des médicaments à grands frais. Il y a des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché qui coûtent la peau des fesses pour prendre en charge le diabète de type 2. On ne les nommera pas, puis ces médicaments-là induisent la perte de poids. Mais ces médicaments-là coûtent une fortune. Alors que pour bien moins cher, mais oui, il faudrait mettre des sous. Il faudrait mettre quelques centaines de dollars par année par patient. Mais imaginez la différence dans le prix. Associé à dire on mesure des indicateurs du mode de vie et on vous suit dans le temps et on rapporte aussi, on rapporte les bénéfices associés à cela. C'est pas juste de dire, alors encore une fois pour se résumer, simplement dire aux gens, y aller de leçons de morale et le livre n'est vraiment pas un évangile là, sur le mieux vivre. Je dis aux gens, voici la science qu'on a générée. On pense qu'elle est pertinente à votre santé puis il y a des choses simples que vous pouvez faire pour, encore une fois, cibler différents indicateurs de votre mode de vie, indépendamment de votre condition, de votre âge. J'ai un chapitre qui porte chez les personnes d'un certain âge comme moi, qui ont 65 ans et plus, pour leur dire qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Mm-hmm. La science nous montre que malgré un âge avancé, la plasticité du corps humain à s'adapter, de passer de la sédentarité à une activité physique adaptée, elle est spectaculaire. Ouais. Mais on a besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour nous motiver tous les jours à aller faire notre petite marche quand même. Oui, mais justement, imaginez quand vous allez dans votre système de santé, qui est un gestion de la maladie, où on ne vous parle pas de ces indicateurs-là. Ouais. Comment voulez-vous? C'est un peu comme si j'allais vous voir, vous êtes mon médecin, Valérie, puis je vous dis, je fais de l'hypertension. Bien, vous me prenez au mot, vous me donnez un médicament, mais vous ne mesurez pas ma tension artérielle. Mm-hmm. C'est du gros n'importe quoi. Mm-hmm. Bien, c'est la même chose avec les indicateurs du mode de vie. Vous allez me poser la question, Jean-Pierre, es-tu sédentaire? Non, Valérie, je marche à tous les jours. Je veux bien vous croire, Jean-Pierre, mais encore faut-il qu'on va se donner, on va faire des mesures. Ouais, mesurer et la vraie mesure. Voilà. C'est ça, exactement. Mais là, donc, vous avez dit, c'est ces personnes-là qui viennent vous voir, vous faites un ajustement de l'alimentation, leur donner des consignes pour bouger, et ça marche, le tour de taille diminue. Mais est-ce que c'est des études qui ont duré assez longtemps pour voir si l'effet est, je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais si l'effet est durable au long de la vie de la personne? Est-ce que ça va se refléter plus tard? Oui, en fait, on a même une étude qui a duré 3 ans avec des hommes qui avaient de l'obésité viscérale et les bénéfices sont maintenus dans le temps. Mais encore faut-il qu'on les accompagne. C'est un peu comme un médicament. Si vous arrêtez de prendre le médicament, vous perdez l'effet. Si vous arrêtez l'accompagnement avec le kinésiologue et la nutritionniste, et donc, je propose dans le bouquin que l'ajout massif de kinésiologues et de nutritionnistes où on utiliserait des outils standardisés, le retour sur l'investissement serait spectaculaire. Encore faut-il qu'on se donnerait la peine de bien mesurer l'effet. l'effet sur la santé des gens qui sont pris en charge par cette... Parce qu'on assume, ben, la prévention, ça peut se faire, puis il faut pas investir, faut pas mettre... Non, non, il n'y a pas de pensée magique là-dedans. Mm. Je reviens là-dessus. La science nous dit que simplement informer les gens, leur dire que l'activité physique, puis bien manger, c'est bon pour la santé, ça donne pratiquement rien. Mm-hmm. Et ça, donc, il faut un suivi pour leur montrer à quel point ça donne quelque chose. Un suivi, un accompagnement et des mesures. Oui, et des mesures. Exactement. Vous insistez aussi sur la santé cardio-respiratoire parce qu'en fait, c'est notre état de santé plus général qui en dépend. Et vous insistez aussi sur la santé cérébrale, par exemple, pour faire un lien un peu avec, l'entrevue précédente. Parce que si on a un cœur en mauvaise santé, éventuellement, on aura aussi des problèmes dans le cerveau. Ben, en fait, cette obésité viscérale-là, à la fin des années 80, début des années 90, on a fait le lien entre les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2, mais les travaux plus récents qu'on a réalisés avec des collègues un peu partout dans le monde ont montré aussi qu'elle était associée au déclin cognitif. Et ça, bien évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Et sans surprise, Valérie, si les vaisseaux sanguins qui perfusent, qui nourrissent votre cerveau, sont endommagés parce que vous avez de l'obésité viscérale, alors il n'y a pas juste les vaisseaux du cœur qui sont endommagés lorsque vous faites de l'obésité viscérale, bien, à ce moment-là, on peut comprendre le lien qui peut exister justement entre cette obésité viscérale et la santé du cerveau, le déclin cognitif. Et on sait que avec le vieillissement de la population, la prévalence du déclin cognitif et de la démence est très, très élevée au Québec et au Canada. Alors moi, je dis souvent aux gens, les gens qui nous écoutent, là, si vous voulez garder une bonne santé du cerveau, jouez au Scrabble si ça vous plaît, là, mais allez marcher à tous les jours, marchez dehors, allez écouter les oiseaux. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste pour éviter l'infarctus. Non. L'infarctus du myocarde, qu'il faut prendre soin de notre tour de taille, de manger correctement et de se bouger un peu. C'est aussi pour la santé de notre cerveau, pour limiter. Le cerveau, et même, avec des collègues américains, on vient de publier un texte consensuel. On parle maintenant du syndrome métabolique cardio-rénal. Gardez à l'esprit que le rein, c'est la même chose. Le rein est perfusé par des vaisseaux sanguins. Si ceux-ci sont endommagés, ben, il va conduire éventuellement à une perte de fonction rénale, et on sait qu'on a beaucoup de gens qui sont en dialyse maintenant au Québec. Ça coûte une fortune et évidemment, c'est très dérangeant. Ça affecte énormément la qualité de vie des milliers de personnes qui doivent se soumettre à des procédures de dialyse. Mais encore une fois, si vous voulez garder un cœur, un cerveau, des reins en santé, ben restez actifs et faites attention à votre tour de taille. Mais pour faire ce suivi-là, donc je comprends, on va on va prendre le tour de taille, ça c'est pas compliqué, chacun peut le faire. Mesurer la santé cardio-respiratoire, il faut quand même aller chez le médecin, ou est-ce qu'on peut s'en rendre compte simplement si on monte trois marches d'escalier qu'on est essoufflé, ça peut nous donner un petit signe quand même que ça va pas très bien? Oui, ben en fait, moi, deux choses là-dedans, Valérie. Vous avez parfaitement raison, quelqu'un qui est capable d'aller marcher sa demi-heure à tous les jours, ben déjà, n'atteignera pas des seuils de bas niveau de conditions cardio-respiratoires associées à des hauts risques. Mais comment se fait-il qu'au Québec, vous savez, nos enfants, nos adolescents, moi j'ai 4 enfants, ils l'ont tous fait là, au primaire et au secondaire, ils font ce qu'on appelle le test navette. Le test des BIP, là, les parents qui nous écoutent, vous êtes familiers avec ça parce que les enfants vont revenir à la maison et me disent j'ai fait 7 étapes, 8 étapes, 9 étapes. Bien, ça, c'est une mesure de terrain qui nous permet de mesurer la condition cardio-respiratoire. Imaginez, on pourrait avoir ces données-là chez tous nos enfants au Québec, nos adolescents, ces données-là s'en vont à la poubelle. Ah ouais, c'est pas colligé, c'est pas... Alors que j'explique dans le livre que s'il y a une chose que vous voulez savoir avant votre cholestérol, avant votre tension artérielle, avant de savoir si vous faites du diabète ou pas, c'est votre condition cardio-respiratoire, parce que la science maintenant nous indique de façon très, très claire qu'il s'agit du plus puissant déterminant de votre trajectoire de vie en santé aux malades. On est en 2023. Comment se fait-il que tous les Québécois, les Québécoises n'ont pas dans leur dossier médical une mesure de leur condition cardio-respiratoire? Si c'est la variable la plus importante à connaître dans la détermination de notre trajectoire. Alors, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai intitulé le livre « De la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». quel rendez-vous manquer de ne pas mesurer la condition cardio-respiratoire, non seulement en pratique clinique, mais imaginez, on pourrait l'avoir chez tous les enfants du Québec. Mais si on la connaît chez tous les enfants du Québec, on la connaît en théorie chez tous les enfants du Québec, mais je comprends que la donnée n'est pas conservée. Mais est-ce que cette santé cardio-respiratoire des enfants, est-ce que celle qu'on a quand on est enfant, est-ce qu'elle se maintient à l'âge adulte? Est-ce que ça préfigure ce qu'elle deviendra plus tard? Ou est-ce qu'il faut reprendre de toute façon ces mesures-là? Il faut les suivre dans le temps, mais c'est pas très compliqué à faire. Encore une fois, en 5 minutes sur un tapis roulant, je vous fais faire une petite marche, c'est fait. Mais il est clair que ça permettrait à notre milieu scolaire d'avoir des interventions adaptées. Vous savez, plutôt que de stigmatiser les enfants en leur disant que votre enfant il rencontre les critères d'obésité. C'est pas l'angle que j'utiliserais plutôt. C'est plutôt de dire, votre enfant a une faible condition cardio-respiratoire. Alors, plutôt que de stigmatiser l'enfant sur son poids, on va travailler sur des choses ludiques. Mm-hmm. On va s'organiser pour créer des environnements, faire des activités. On va s'assurer que ces enfants-là, ce sous-groupe-là d'enfants qui a une faible condition cardio-respiratoire, on va s'amuser. Ouais. On va avoir du plaisir. Plutôt que de commencer à restreindre ces enfants-là, avoir des approches. Je sais que c'est pas ça l'intention, mais vous comprenez que lorsqu'un enfant entend qu'il y a une problématique d'obésité, ça peut être très stigmatisant. Exactement. Et ensuite, pour faire ce suivi, parce que bon, on fait donc ces deux types de mesures-là, et après, il faut adapter ou, comment vous dites, ajuster, comment vous avez parlé, à propos de l'alimentation. Recalibrer. Moi, j'appelle ça recalibrage. Voilà, je trouvais plus le mot que vous aviez dit. Donc, recalibrer l'alimentation, donner des indications sur l'activité physique, mais ça prend du personnel, ça prend une équipe. Absolument. C'est pas juste le médecin qui va c'est pas le travail du médecin. En fait, le médecin, c'est un peu, semble-t-il, que là, vous vous intéressez au football, là. Bon. Pour une raison bien particulière. C'est une petite blague à l'interne, là. Mais le médecin, c'est un peu le quart arrière. Il a besoin d'une équipe. Et donc, c'est là, les quelques minutes, parce que ce sont quelques minutes que le médecin va passer avec vous, il va vous dire, ma chère Valérie, là, j'ai votre tableau de bord complet, bien au-delà de, votre cholestérol, ça va, faites un peu d'hypertension, mais là, je vois l'équipe me mentionner, votre tour de taille, c'est pas le cas dans votre cas, là, mais votre tour de taille est un peu élevé, votre qualité nutritionnelle est vraiment faible. Avec l'équipe, on va vous donner quelques recommandations, des trucs très, très simples pour améliorer la qualité de votre alimentation. Mais vous savez quoi, Valérie? L'équipe va vous revoir. Je comprends ça, mais c'est 3, qu'il 4, faut que cette équipe-là existe. Voilà. Ce que je me demande, c'est est-ce que cette équipe existe? Elle n'existe pas. Et c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Ça, je peux le dire haut et fort, ça fait des lunes qu'on demande à nos autorités d'investir dans la promotion de la santé. Pas parce que c'est la chose, ça fait bon chic, bon genre. Non, c'est qu'on a une science qui nous dit que si maintenant on dépense 60 milliards de dollars à gérer la maladie, je pense qu'on a fait le tour. Mm-hmm. Et pas besoin d'être un actuaire, un génie en actuariat pour vous prédire, Valérie, que dans quelques temps, on sera rendu à 62, 63, 64 milliards. Mm-hmm. Quand va-t-on faire la démonstration qu'investir, pas dépenser, investir un peu. Puis on n'a pas besoin de se lancer dans des dépenses astronomiques. Pouvons-nous avoir, est-ce que c'est ce qu'on a proposé, des études pilotes, des projets dans des groupes de médecine familiale où on montrerait la valeur ajoutée d'avoir cette équipe-là qui vient compléter. Avec nutritionniste, avec kinésiologue. Qui utilise des outils standardisés, pas du n'importe quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, vous avez écrit ce livre, donc le titre c'est « Révolution active ». De la gestion de la maladie à la promotion de la santé. On le trouve, je crois, dans toutes les bibliothèques. Il est partout, mais j'avais une préoccupation, Valérie, vous savez, je voulais que les gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, là, parce qu'il y a de grandes inégalités sociales en matière de santé. Je suis très fier de dire qu'il est disponible dans toutes les bibliothèques de la ville de Québec pour ceux qui n'auraient pas les moyens de l'acheter. Bien sûr, il est disponible dans toutes les librairies et ça fait boule de neige. Il y a d'autres municipalités régionales qui font le même exercice, vont rendre le livre disponible pour les gens qui n'auront pas les moyens de l'acheter. Puis il faut dire que vous ne faites aucun cachet avec ça. Non, aucune redevance, ça va à une fondation. C'est ça, ce n'était pas votre objectif de faire de l'argent en venant faire la promotion de ce livre-là. Ce n'est pas la promotion du livre que vous faites, c'est la promotion de la santé. Voilà, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Després, d'être venu nous comment nous éclairer sur l'importance du tour de taille, de laisser tomber un petit peu la balance. On va se préoccuper. On va acheter un galon, finalement. Un galon à mesurer. On va faire notre tour de taille. Vous savez, Valérie, j'ai confiance dans l'intelligence des gens, le feedback que j'ai de la population. Je pense qu'on va en faire une révolution active ensemble. On n'aura pas besoin d'attendre après le gouvernement. D'accord. Ben, ouais, très bien. Donc, voilà, c'est une invitation à se procurer ce livre de Jean-Pierre Després. Je lui rappelle qu'il est professeur en kinésiologie à l'Université Laval, également directeur scientifique du VITAM, un centre de recherche en santé durable. Merci beaucoup, Jean-Pierre Després. Merci.